Dossier 1. Phonigraphie. Leçon 1. Activité 1A. Mon ami de Nancy est un type formidable. Il s'appelle Loïc. C'est quelqu'un à qui je peux dire toutes mes idées et qui n'est pas du tout égoïste.